se dit vous, se dis-tu, on apprend à se connaître. On se dit oui, se dit tout, on se dit plus que peut-être. Et puis on s'aime pour un temps, on s'attrape par la main. On se bouscule à la fin, on bascule dans le ravin. On se réveille un matin avec plus rien dans les mains. On a tout perdu, on pleure, on a juste du chagrin. Alors, où sont passés les rêves? C'est la vie qui les vole et qui nous les enlève. Alors, où sont passés les rêves? Et on attend la nuit comme une dernière trêve. Quand on est petit, on y croit, on saute sur l'herbe tendre. On se dit que tout arrive et qu'il n'y a plus qu'à attendre. On croise quelques souris, on essaie de les séduire. On est plein d'espoir, on chante, on croit qu'on va s'en sortir. On se réveille un beau jour et on a peur de l'amour. On se dit que la vie est trop courte pour en avaler toujours. Alors, où sont passés les rêves? C'est la vie qui les vole et qui nous les enlève. Alors, où sont passés les rêves? Et on attend la nuit comme une dernière trêve. Une dernière trêve.